Toujours à l'occasion des 22 ans du décès du président Kim Il-sung, les rendez-vous de souvenirs ont eu lieu du 29 juin au 1er juillet en Finlande, en Pologne, en Indonésie et en Angola. Y ont participé les personnalités de différents milieux et autres habitants des pays hôtes. Les orateurs ont dit que le président Kim Il-sung est le grand homme politique, l'éminent penseur et théoricien qui a créé les immortelles idées du Chuseo et précisé le guide de lutte non seulement au peuple coréen, mais aussi au peuple progressiste du monde. Ils ont souligné qu'il s'éternise dans le cœur de l'humanité grâce à ses exploits accomplis devant l'époque et l'histoire.